Ouais, ça va, excuse-moi. Mais... Ah, il n'y a pas de problème. J'ai... J'ai des migraines ophtalmiques et ça me... Ça te perturbe. Ah, bah ça me dégringue la gueule. Ok. Et là, ça va mieux, non? Ouais, ok. Ok. Et c'est chronique? Non, ça arrive. C'est les sinus? Ah non, j'ai plus ça depuis l'enfance, c'est... Ah oui, oh. Non, c'est de la merde. Ok. C'est juste la merde. Sinon, ça va? Ouais, la bagarre, comme d'hab. Okay. Ouais. Ouais, comme d'habitude. Ok. Moi, je t'ai connu... Laurent, salut, en passant. Je suis très content de te rencontrer enfin. Ça fait longtemps que je galère pour te voir parce que je trouve que tu fais un cinéma intéressant, un cinéma afilmique. Je sais pas si tu connais un peu le terme afilmique, c'est-à-dire le mélange de fiction et de réalité. Oui. Surtout dans Select Hotel, un de tes premiers films. Oui, mais tu vois, par exemple, Select Hotel, tu vois, j'étais le premier à mélanger la... un faux vrai documentaire. Oui, alors c'est de là, un peu comme Piala faisait. Ouais, sauf que à Cannes, le jury s'est barré. Aux 5 premières minutes, parce que j'avais mis de la vidéo. Okay. Je suis le premier à avoir mis de la vidéo dans un film. Maintenant c'est le numérique. Oui. Le numérique. Ouais, mais la facture se voit aussi. Ouais, non, mais voilà, mais c'était fait exprès. Ouais. Et ça, on mettait pas de la vidéo à l'époque du numérique, bref, ouais. Dans le film. Et moi, j'avais mis ça et le jury à Cannes s'est barré sans voir le film. Ils ont vu le début du film, ils sont barrés. Ouais, mais enfin, si tu veux, moi je suis confronté toujours à un truc. C'est dans Zonzon, par exemple, on m'a reproché la structure temporelle. Ouais. Si tu veux, aujourd'hui, les grands films américains, les films français aussi, reprennent ce genre de structure où, si tu veux, le présent, le passé, tout est confondu. Tarantino l'a fait dans Future People. Bon, ben voilà, moi je me suis fait exploser la gueule à cause de ça. Okay. Tu vois, et à chaque fois, si tu veux, j'essuie les plâtres. Ça commence à me fatiguer, quoi. Parce que si tu veux, il n'y a pas la reconnaissance qui suit derrière, et surtout, je vois qu'après, mes idées sont reprises, quoi. Et pas qu'un peu, quoi. Et c'est un peu boulant de voir que. T'étais pas reconnu dans ton pays et que par contre dans les autres pays c'est pas qu'on te pompe, c'est normal, l'art c'est fait pour être véhiculé, mais que on s'inspire pas mal de ce que je fais, quoi. Après coup on critique, mais après coup on prend tes idées pour modeler autre chose. Mais c'est ça, pour revenir à Select Hotel qui est devenu dans certains ciné-clubs un film culte, parce que tu mêles, comme tu disais, réalité et fiction. Et surtout que c'est ce qui arrive même à Québec, parce que j'ai travaillé 26 ans dans le quartier de la prostitution. Et c'est vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a des filles qui meurent et que personne ne réclame et qu'on peut jeter, comme tu le fais, dans un cylindre et que personne en demande la légitimité à qui appartenait. Oui, ouais, mais si tu veux, moi, mes films, c'est ça parle de l'arrêté, mais en même temps, ils sont oniriques. C'est-à-dire que ça parle aussi du peuple. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'en fout du peuple. C'est-à-dire il y a 27 personnes qui ont l'équivalent de 3... la richesse de 3 milliards de personnes. Ben voilà, c'est tout dit, quoi. Tout ce qu'on vous raconte, tout ce qu'on raconte à l'école, tout ça, c'est du bidon. Il faut arrêter. On écrase le peuple sous des bons sentiments, sous tout ça. Non, les bons sentiments, dans la vie, vous les aurez pas. C'est faux. Pour vous faire enculer, c'est pour vous faire bien mettre. Mais vous inquiétez pas, les gens très très riches, eux, ils raflent tout. Et ça continuera toujours comme ça. C'est ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on doit faire la révolution. Parce que ça suffit. Combien les gens vivent mal, n'en peuvent plus. Et tout le monde s'écrase. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cet espoir de récupérer une piécette. Un rien. Un espace. Un petit espace. Ouais, un petit rien. Un petit ciel. Voilà. Et d'ailleurs, Internet est assez vicelin pour ça. Parce que les gens croient, parce qu'ils vont mettre merde, que tout d'un coup ils sont libres. Mais fuck off. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, la liberté. Non, la vraie liberté, c'est d'aller voir ces 27 personnes et les enjoindre de payer. aux 3 milliards de personnes, 90% de leur fortune. Ouais. Parce qu'avec 10% de leur fortune, ils pourront vivre jusqu'à la fin de leur jour, et leurs fils, leurs petits-fils, leurs arrière-petits-fils. Sans aucun problème. Voilà, sans aucun problème. Alors ça suffit comme ça, quoi. Enfin bref. Oui, non, mais c'est important de le dire et d'en être conscient. Mais pour venir à Select Hotel, ce qui est bien là-dedans, c'est que tu fais parler un homme de tous les jours qui veut vivre à un moment donné la vie underground. Et il y a un prêt à payer pour vivre le milieu underground. C'est pas tout le monde qui peut être attiré par ça, et ça va l'amener à la déchéance. Donc, le citoyen moyen qui n'a jamais rien connu de ce milieu-là, quelquefois veut s'y brûler, et il y a... Au départ, c'est là où mon film... J'aime jouer sur des stéréotypes pour mieux les détruire. C'est-à-dire, au départ, mon personnage, on dirait que c'est un personnage de facho. Moi j'ai toujours un espoir, je donne toujours un espoir à l'être humain. Et ça m'intéressait de prendre un personnage un peu monolithique, un peu brutal, brut, au contact d'une personne, et on ne sait pas exactement pourquoi. Je déteste, moi, ces films qui expliquent tout, qui disent tout. C'est-à-dire, c'est pas la vie. Moi mes films, justement, il y a des choses trappes, il y a des trucs qu'on comprend ou qu'on comprend pas, ça s'ouvre, ça se referme. Ça. Enfin, moi, j'essaie de faire des films, en tout cas, très proches de la vie. Et ce personnage-là, c'est vrai qu'à un moment donné, il est attiré par ce milieu-là, et il abandonne sa vengeance pour suivre cette fille. Mais c'est pas vraiment pour la niquer, c'est pas vraiment... On ne sait pas exactement, c'est ce mystère de l'être humain qui fait ça. Il veut sortir de son quotidien. Tout d'un coup, ça le touche. Je crois qu'il y a des choses qui le touchent. Mais ça l'intrigue aussi, ça l'intrigue ce milieu-là. Oui, mais je pense que dans chaque être humain, il y a, cette attirance vers d'être curieux de ce qu'on ne connaît pas, quoi. Et ce qui fait notre force et notre faiblesse. C'est-à-dire qu'on est attiré comment il s'appelle l'autre là, il est là, qui s'y brûle là. La curiosité est quelque chose à double tranchant, quoi. Attirante et en même temps parfois dangereuse, comme dans le film. Et le bonhomme s'y brûle. Ouais. Ouais, et il y a un prix à payer pour pouvoir vivre l'underground quand on ne le connaît pas. Oui, bah même les gens à l'intérieur, hein, tout le monde. Underground, dans la musique, il y a un côté très attirant. Mais le vrai underground, c'est sorti de. Moi j'ai été SDF, j'ai dormi dans la rue. Le nombre de fois, je me rappelle une fois, je discutais avec un autre SDF comme ça qui avait été prof de philo, et le mec, à un moment donné, comme ça, il a voulu me tuer. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Underground, c'est moche, quoi. Ah oui, c'est rarement beau, c'est rarement... Ouais, c'est sale, c'est... Ouais, c'est glauque, ou les filles qu'on se tirait à 25 et tout, c'est pas terrible, quoi. Non, non. Underground, c'est bon pour les bourgeois qui... Qui fabulent là-dessus. Voilà, c'est ça, mais quand on y vit, c'est pas terrible, quoi. Non, c'est autre chose, c'est autre chose. Mais toi, de Select Hotel à Q, il y a quand même plusieurs films qui se sont créés avec des grandes vedettes. Ouais. Et quelle différence tu fais entre tout ça, entre le vedettariat puis... Il y a des gens passionnés ou pas. Ouais. C'est-à-dire que, moi j'étais très très proche de Michel Serrault. On m'a dit que c'était un enfoiré, qu'il était très très dur avec les réals, et tout de suite on s'est compris, et on a été extrêmement très amis, quoi. La passion n'a pas de n'atteint pas le star system, quoi. De toute façon, moi les gens qui bossent avec moi, c'est parce que ils veulent donner. Ah ouais, c'est ça. Autrement, ils bossent pas avec moi. Voilà. Alors toi, tu cherches l'authenticité à travers les êtres, surtout l'humanisme, et tu veux qu'ils s'offrent à toi et qu'ils donnent tout. Et qu'ils donnent tout. En tout cas, qu'ils donnent. À se surprendre quand ils se regardent sur le grand écran. Parce oui. Que... Enfin, en même temps, j'en ai choisi des pas mal, hein, puisque entre Jamel Debbouze, Julie Gaillet. Ouais. Non, mais Julie Legrand, à l'époque, n'était pas connue. Mais non, mais non, c'est moi qui l'ai découvert. Elle a gagné un prix au Québec, le savais-tu? Ah ouais. Dans ton film, a été la meilleure actrice de ce film-là, mais le film a été malheureusement censuré une semaine après. On l'a retiré. Comme Je vous salue de Jean-Luc Godard, qui a resté deux jours à Québec. À l'époque, c'était dans les années 80. Et ils l'ont retiré. Pourquoi? Mais parce que je crois qu'à trop toucher la vérité, on dérange. Ah, j'avais vu au Québec un film qui s'appelle Outrageous. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Outrageous. C'est un film canadien. Ok. Outrageous. Rosenberg? Ah non, ça je ne sais plus le réal. Et qui date des années 80. Ouais. Un truc comme ça. Et qui était fabuleux. Et c'est vrai que c'est avec Total, il y a un peu d'outrageous. J'en sais rien, mais en tout cas, je pensais un peu à ce film-là, quoi. Est-ce que. Puis surtout quand tu le regardes aujourd'hui, ça n'a pas vieilli, là. Ah, oui, non. Bah, ça n'a pas vieilli. Et d'ailleurs, on est presque en face du. Du Select Hotel en question. Non, okay, Select Hotel, il a été détruit, mais. La boutique de cordonnerie, elle est juste là. Oui, ok. Ouais. Ah, sur les abysses. Ouais. Ok, ah, ok. Oui. Oh. Elle est pas loin. Ok, alors la salle a été tournée ici. De toute façon, c'était le coin. Ici, c'était le coin des putes et des travelots. Maintenant, il n'y a plus rien, mais la rue là, dans laquelle on descend, c'était la rue des travelots. Oui, ok. Celle qui est parallèle à celle des abysses, c'était les putes. Okay. Enfin bon, il y avait partout, quoi. C'était, maintenant, il n'y a plus rien, c'est fini. Mais on va partir du début. Toi, t'es né à Paris, t'es né... Rue des Martyrs, juste à côté. Ah oui, ben oui, si, t'es tout près, à quelques minutes. Ouais. Et donc, tu te sens à l'aise ici, mais tu habites pas dans ce coin-là, dans ce quartier-ci? Maintenant, aujourd'hui, c'est Porte de Bagnolet, c'est le 20e, c'est toujours très populaire. Ok, boulevard Mortier, dans ce coin-là. Ouais, voilà, okay, c'est ça. Ok, tu perds la chaise dans le coin, tu perds la chaise. Exactement, okay, ouais. Ok. Et donc, toi, ce qui t'a amené au cinéma, c'est quoi? C'est le cinéma... Soit je suis initié en tôle, soit je faisais quelque chose, j'ai préféré faire du cinéma. Alors, tu n'as aucune formation en cinéma? Non, aucune. Ok. Mais comme le dessin, comme l'écrit. Oui, tu fais de la bande dessinée aussi. Tu t'intéresses à la bande dessinée? Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a amené au cinéma? Qu'est-ce qui t'a. Les gens qui t'ont fait confiance, c'est qui? Ah, personne, je me suis autoproduit tout de suite. Ok. Et comme c'est avec Total, c'est de l'autoproduction. Mais comment tu as trouvé l'argent? En frappant aux portes? Non, j'ai détourné une subvention. Ok. De court-métrage. Ok. J'ai fait Select Hotel avec 20 000 euros. Voilà. Alors, on n'a pas besoin d'argent pour faire un film. Hein? Les réalisateurs aujourd'hui attendent le pognon. C'est-à-dire que. Ça fait un cinéma assez particulier aussi. Non. Mais tu utilises la vidéo, donc ça coûte moins cher. Ah non, mais là, à l'époque, c'était du 16, Super 16. Ok, ouais. Non, c'est des deals avec. Avec tous les gens du film, et c'est éreintant, quoi. Okay. C'est éreintant. Pendant près d'un an, j'ai pas dormi, moi. Hein. Okay. Je dormais une heure par-ci, une heure par-là, mais je dormais pas, quoi. Donc, ça a coûté 20 000 euros, mais moi, ça m'a coûté... À quel prix? Une santé. Ouais, voilà, c'est ça. Ça m'a bousillé la vie, quoi. C'est-à-dire, moi, le fait de faire des films m'a foutu ma vie en l'air. OK. Faut pas se leurrer. Dire, mais tu payes. Aujourd'hui, après Q, t'as-tu abandonné ou c'est Non, okay. Non, j'ai plein de projets. Là, je suis en train d'autoproduire un film, je suis sur d'autres films, des plutôt balèzes. Mais ce qui me plaît un peu dans ton univers, là, c'est les deux opposés. Soit que les gens approuvent ton cinéma, t'appuient, au contraire, on te... Ah, on me crache dessus, oui, on m'insulte. Pourquoi tu déranges? Qu'est-ce qui dérange en toi? Est-ce que c'est le côté vivace que tu présentes sur le... Parce que quand on regarde cul, quand on regarde tes films, c'est quand même assez cru, mais en même temps, c'est la vie. Ouais, mais je pense que, tu sais, on est 7 milliards sur Terre, il faut s'écraser, quoi. Il faut s'écraser. Ouais, voilà, c'est ça. Et quand tu ouvres ta gueule, tout d'un coup, tu deviens emmerdant. Okay. Dangereux. Ouais, parce que t'es pas complaisant, c'est ça l'histoire. Non. Puis moi j'ai toujours dit ce que je pensais, donc ça va pas du tout, quoi. Et en France surtout, quoi. En France, faut vraiment s'écraser, quoi. C'est des réseaux. En France, tu peux n'avoir aucun talent, aucune idée à partir du moment. Non, mais réellement, moi, j'ai plein d'exemples, mais je vais pas les dire, mais où les gens sont des fils à papa et qui font leurs films et puis basta, quoi. Mmh. Et ils n'ont rien à dire, mais ils font des films. Mais voilà, mais il y en a plein, c'est blindé. En France, il faut faire la révolution. Hein. Je veux dire, là, on est vraiment. Je veux dire, bon, là, j'ai rentré en politique, mais là avec ce que fait le pouvoir actuel en France, là, je prédis une révolte assez virulente d'ici quelques temps. Mais quand je dis virulente, c'est-à-dire que ça va péter, mais grave, quoi. Ah, là, on te déçoit un peu, beaucoup, personnellement. Mais je sais même pas qui c'est, ce mec-là, quoi. Ah non, mais c'est même pas de la déception. C'est un type qui fout en l'air la gauche pour 20 ans. C'est une catastrophe nationale, ce mec. Pourtant, toi, tu es plutôt vers la gauche, non pas vers la gauche. Ouais, je suis pas vers la gauche, mais je suis l'extrême. L'extrême gauche. Ah, après. OK. Mais tu sais, mais ce qui est bien, c'est que, à savoir, c'est qu'entre l'extrême gauche et l'extrême droite, il y a une certaine. Ouais, je sais. Puis, dans les vies, il faut l'être extrême parce qu'on a juste une vie à vivre. Donc, il faut brasser le pommier pour faire tomber les fruits. Sinon, ils vont rester dans l'arbre et ils vont pourrir là. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est comme tu as dit. Il y a aussi un. Tu sais, comment les gens tiennent le peuple? C'est simple. C'est avec l'idée qu'on est éternel. Ouais. Dire, un artiste, ça a l'idée de pouvoir mourir. Ouais. Dire, et donc, il met en scène soit sa propre mort ou la mort. Enfin, de l'être humain et de l'humanité. Et si tu veux, cette confrontation entre le peuple qui se croit immortel et l'artiste, il y a quelque chose de conflictuel, ouais. De toute manière. Donc nous sommes générateurs, parce que moi je dis, la génération de Godard a dit que c'était des auteurs. Moi, et si tu l'entends chez quelqu'un d'autre, c'est moi qui le dis. Okay. C'est moi qui l'ai dit. Moi je dis que le cinéaste, c'est un artiste. C'est pas un auteur, c'est un artiste. Tu fais une bière, ce soir? Hein? Est-ce une bière, quelque chose? Je vais prendre un coca, s'il te plaît. Et si tu veux, le rôle de l'artiste, c'est justement de parler de la mort, de parler de notre fin. Et comme il parle de la fin, de notre disparition, eh ben, il peut se permettre de parler de tout, de ce qui ne va pas. De là où, moi, personnellement, je ne sais pas, je fais des films... où je me suis situé plus femme que homme. Pourtant, quand on me voit, je suis plutôt ultra viril, etc. Mais boxeur, un peu. J'étais au Hellfest. Et... OK, c'est bien. Alors, tu t'es fait slammer. Je me suis pris un coup de coude dans la gueule. C'est sur quel groupe que tu t'es fait slammer, comme ça? Là, c'était sur Tagada Jones. OK, alors t'étais vraiment... J'adore. Je te délirais. J'adore. Il y avait de... Est-ce que tu filmais ou tu étais là comme spectateur? J'étais spectateur. J'adore. Un peu de plaisir. Aussi. Oui, mais ça j'y ça, pense. C'est affecté, c'est mais la prochaine fois, si j'y vais, j'essaierai de filmer à l'intérieur du pogo. Ouais, c'est ça. Ouais, mais à l'intérieur du pogo. Oui. J'adore. Ouais. OK. Alors, t'es un fan fini. Ah bah oui, du métal et surtout du punk. OK, il faut que ça brasse. Mais as-tu des groupes francophones qui te plaisent? Dagobah. Francophone, ouais. Ouais, c'est Dagobah. OK. Tagada Jones, les Salles Majesté. OK. Voilà. Ça, les Wampas, probablement. C'est sympa. Mais c'est rigolo. Non, c'est sympa, les Wampas, ouais. OK. C'est sympa. Est-ce que tu connais les Raoul Petit? Ah oui, bah oui. Ah non, mais oui, moi je les ai connus il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans. 14, tout ce monde. Ouais, c'était au tout départ. Enfin, je connaissais plus les filles. Ils sont encore sublimes, hein, parce qu'on ressource les filles, on garde les vieux chenottes, mais on amène une nouvelle. Ils sont pas cons. Elles sont belles, mais elles sont super. Merci. OK. Et donc, toi, ce qui te plaît aussi, c'est la musique. C'est le monde. Hein. Mmh. La vie. Oui, voilà, c'est ça, les femmes, le rock'n'roll. Ouais, c'est ça. Sex, drugs and rock and roll. Ouais. Mais as-tu... Quoi que la drogue, là, c'est... OK, t'as abandonné. Ouais, c'est trop fatigant. Ouais, mais on vieillit, hein. Bah, c'est-à-dire que j'ai pris de la drogue pour pouvoir tenir 3 mois sans dormir, par exemple, pour finir un film. Et ça, et j'en ai vachement voulu à mes producteurs. Ah, c'est eux autres qui s'insistaient presque. Ils ne me donnaient pas de temps pour le finir. Et donc, j'ai vachement utilisé de défonce pour tenir, juste tenir. Et là, à ce moment-là, il y a eu un crétin qui m'a insulté. Je lui ai dit, mais pauvre connard, j'ai aucun... C'est juste pour me tenir debout, quoi. c'est pour bosser. C'est pas pour fêter, c'est pour travailler. Non, c'était juste pour bosser, quoi. Et Non, mais surtout, je dormais pas. Ah ouais, c'est ça. Je ne dormais pas. Impossible de dormir. J'avais pas le temps. Après, on s'imagine pas la souffrance que c'est. Parce qu'à un moment donné, le corps... Après, il pète, quoi. Oui, et puis tu as le poids aussi de réaliser un film. Tu as le poids de le rendre Oui, non, ça va. Faire un film, tout ça, écrire, dessiner, tout ça. Non, c'est pas faire les choses. Moi, faire les choses, c'est facile. Facile. C'est simple. Oui, oui. Facile, mais... Oui, oui, mais c'est jamais très... Mais c'est surtout ce que tu laisses, quoi. Oui, c'est ça. Un peu de fouet, puis des fois, c'est un prix difficile à... Ah ben... mais bon... Après, c'est aussi un choix. Hein. J'aurais pu finir en tôle. Oui, c'est mieux d'être en liberté, entre guillemets. Oui, on se demande si vivre en société, c'est vivre en liberté. Ah, ben ça... Hein? C'est intéressant. Parce que la liberté, c'est peut-être entre les deux oreilles. Oui, oui. C'est pas nécessairement de pouvoir se promener sur la rue des Abeilles, c'est de pouvoir acheter une grenadine ou de... Ouais, mais je sais pas si c'est... c'est 1984 d'Orwell. George Orwell. Ouais. Pour moi, on le vit aujourd'hui, sauf que là où il s'était planté, c'est qu'il voyait un futur très noir, ouais, très sombre. Ouais. Mais totalitaire quand même, comment on vit. Tu remplaces le côté sombre par la publicité et c'est bon, et on est en 1984. Ouais. Les publicités, les clips aussi, très rapides, l'endoctrinement. On est en plein dedans. Endormant le peuple. Exactement. Parce qu'il est plus facilement manipulable après. Et donc 1984, on le vit. D'ailleurs, 1984, pourquoi 1984? Parce qu'il a écrit en 48. Ouais, voilà, c'est ça, et qu'il a été censuré, qu'on a dit on peut pas. Et lui, il pensait que c'était à l'époque, quoi. Et donc il a juste inversé les deux chiffres. Exact. Mais c'est bien de le savoir aussi. Hein. Ouais, oui. Il y a des lecteurs qui sont finis avec ce livre-là, c'est-à-dire que c'est un livre culte et ils connaissent pas l'histoire de cette. De l'autocensure qui a. Oui, mais il y en a partout de l'autocensure. Et toi, dans ton cinéma, est-ce que. Non, il n'y en a pas. Non, non. Il n'y a aucune autocensure. Il n'y a aucune autocensure. Jamais. Et qu'est-ce qui t'amène à faire des films? Est-ce que c'est la révolte intérieure? Est-ce que c'est ce qui t'entoure? C'est quoi? C'est les gens qui t'amènent à. Non, c'est ce rapport certainement à la mort. C'est que je suis mort. 12 fois dans ma vie, donc j'ai eu des accidents, j'ai plein de conneries, quoi. J'ai un rapport à la vie très, justement, très positif. C'est-à-dire que, la mort, à un moment donné, il y a une fois où je me suis senti partir, voilà, j'ai pensé à mes enfants, j'ai dit, j'espère qu'ils seront heureux, voilà. Mais j'ai pas peur de disparaître, donc... en même temps, c'est très chiant parce que socialement, c'est vrai que ça me crée des problèmes. Hein. Je dis pas parce que vaut mieux fermer sa gueule, vaut mieux. J'aime pas les patrons, j'aime pas tout ça, quoi. Et ça, c'est mon côté anard et c'est pas bien. Mais au contraire. Il faut être excellent, il faut remettre les choses en question. En France, on a un problème, c'est qu'on on s'occupe des gens, des vivants quand ils sont morts. Ah oui, on les louange, on les glorifie. C'est ce que je dis à mes... Mais je te jure, tu verras, le jour où je meurs en France, tu vas voir ce qui va se passer. Écoute, on va placer la rue. Tu vas voir. Alors qu'aujourd'hui, je suis insulté, quoi. Ouais. Mais par contre, j'ai quand même découvert 5-6 stars françaises, tu vois, enfin, des pas moindres. Enfin, bref, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses, mais pour l'instant, c'est... Est-ce que ces actrices et ces protagonistes-là te le disent? Est-ce que tu vas remercier encore aujourd'hui? Bon, on passe à autre chose, puis... J'aimerais bien qu'ils me donnent plus un coup de main, mais non, ils savent. Je peux t'assurer qu'ils savent. Je veux pas tomber dans le star system, tout ça. Mais l'événement qui est arrivé à Jouy-Goyette, est-ce qu'on est venu te chercher pour te demander ton nom? Non, parce qu'ils savaient que de toute façon, je l'aurais acheté. OK. Je l'ai mis sur mon Facebook. Non, mais pour les gens qui n'ont pas mis Facebook. Mais comme les journalistes, ils peuvent me joindre que sur Facebook. OK. Tu vois, donc... Alors, t'as donné ton point de vue là-dessus. Voilà. Est-ce que tu peux nous le dire? Si tu veux, il y avait deux phénomènes. L'un à côté de l'autre, d'abord c'est son histoire personnelle. Et puis, par contre, ce qui me gênait, c'était. Moi, ça ne me concerne pas, c'est sa vie privée. Mais par contre, ce qui est emmerdant, c'est ce bonhomme. Ouais, c'est ça, on l'a utilisé. Non, non, mais c'est ce bonhomme qui c'est un petit bourgeois, quoi. Ouais, ouais, ouais, ouais. Enfin, comme Sarkozy a utilisé. Non, mais voilà, ouais, mais c'est lamentable, quoi. Mmh, après, moi, sur ce sujet, je n'ai absolument rien à dire. Mais moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est qu'il y avait des choses machiavéliques dans notre société et on s'en. On laisse ça, on laisse ça passer, on réagit pas. Tu sais, quand on arrange des pseudo-mariages, c'est comme à une certaine époque, dans les années 60 au Québec, quand un homme avait perdu sa femme, OK, il mariait la fille la plus jeune et la plus forte pour pouvoir travailler avec lui. Donc, à une certaine époque, un homme de 33 ans pouvait marier une fille de 16 ans. Aujourd'hui, on appelle ça encore la pédophilie. À l'époque, c'était tout à fait classique. On prenait une fille jeune, forte, pour pouvoir l'aider à travailler. Donc, mais c'est fou, c'est fou. Puis, donc, aujourd'hui, on se complaît à des énormités comme ce qui est arrivé à Sarkozy puis à Hollande. Et on accepte la médiocrité. On accepte aussi ce côté machiavélique de la société avec facilité. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est une histoire abracadabrante, là, l'histoire du scooter. Là. Ouais. Mais je veux dire, comment on peut laisser ça aller et rien dire? Et dire, bon, écoutez, c'est leur vie. C'est... Tu sais, c'est très cinématographique. Là, ouais, enfin, mais on n'y croirait même pas au cinéma. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je m'intéresse à des choses plus intéressantes. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux raconter au cinéma? Qu'est-ce que tu veux revendiquer? Parce qu'il y a plein de choses qui te fâchent, qui te... Oh, ben, y a plein de choses. Ben, déjà, là, le film que je suis en train de finir, ça parle d'amour, de mort et de communication. Le titre n'est pas encore trouvé. Si, entre le jour et la nuit. Ok. C'est une continuité de cul, mais parce que j'ai plusieurs propositions pour faire. Mais il y a comme une suite à ce film-là parce que ça finit pas. Oui. C'est bien en même temps. On veut pas que ça. On veut se laisser un peu comme des films de Claude Sautel, imaginaire, extrapolé. Ah, bah oui, on sait pas ce qui va se passer. C'est ça. Bah d'ailleurs, elle le dit. Oui, non, mais elle le dit. Elle le dit, Stan, mais ouais. ça sera difficile tous les jours. Oui. Ouais, pour elle et pour tout le monde, c'est difficile tous les jours. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est comme le Sisyphe, hein? On laisse monter la pierre, mais elle va redescendre. Donc tu dois le redescendre toi aussi puis la remonter. Oui, c'est ça. Non, et quoi, c'est une suite à Q ou si ça peut être vu sans voir. Non, c'est une suite, j'allais dire, symbolique. Okay. Là où on ne voit pas la chair. Enfin, c'est plus sur le sentiment que le sexe. Ok. Voilà. Après, je reviendrai au sexe dans un autre film où je jouerai dedans. Okay. Mais ça sera pour plus tard. Ok. Mais que j'ai déjà écrit là. Et là, qui sera. Là pour peu très très très sexe. En 2016, 2015 Ouais, enfin, c'est quand je pourrais, tu sais. Après. Quand t'auras les sous Non, quand je pourrais. Ok. Là, tu fais quoi à travers ça? Tu fais de la publicité? Tu fais. Non, je travaille, j'écris. Là, je prépare un bouquin de dessin, d'illustration. Ok. J'ai écrit une pièce de théâtre, deux pièces de théâtre, là aussi. Qui sera jouée ou c'est. Non, mais là, je viens de finir tout ça. Alors peut-être il y a une des pièces qui va être jouée en Grèce, mais. En quelle langue? En grec. Mais tu l'as écrit en français? Ouais, mais okay. Là, justement, ils sont en train de la traduire. Enfin, on va voir. Ok. Mais là, c'est apparu, on peut lire le texte. Non, là, je viens de la finir, là. Je peux juste la finir. Tout et ce que tu l'as présenté à quelqu'un, et cette personne-là a dit, on va traduire ça en grec. Et... Voilà. Et on va le présenter à un mec, enfin... Mais c'est fou. Non, c'est... Mais c'est bien, non, mais je trouve que c'est quand même assez extraordinaire. Tu écris dans ta langue, tu voudrais que ce soit joué ici, mais ça sera joué en grec. Ah ouais, puis là, le théâtre, c'est encore... Là, j'ai commencé à faire les démarches, c'est... C'est assez balèze, hein. C'est comme... un monde, hein. Le théâtre, c'est un monde. Non, mais c'est la France. Je sais pas ailleurs comment ça se passe, mais en tout cas, la France, c'est compliqué, quoi. Tout est toujours compliqué, quoi. C'est la bureaucratie, hein. C'est la bureaucratie. Non, c'est les réseaux. Non, c'est pas la bureaucratie. C'est... Ok, toi, tu fais partie du réseau du 7e art et non pas aucun. Aucun, moi, je suis moi, c'est tout. Justement, je n'ai pas à faire partie de réseau. Un artiste fait partie d'aucun réseau, d'aucun rien du tout. Un artiste libre, parce que certains écoutent Patrick Bouet fait partie d'un réseau. Oui. Obispo fait partie d'un réseau, même que l'autre. Oui. Tout le monde. Tu sais, la merde a toujours le même chemin. Non, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Enfin, voilà. C'est juste, je préfère être moi-même. Et il y a un prêt à payer pour être toi-même. Hein? Et? Il y a un prêt à payer pour être toi-même. Ouais, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Bah non, d'être soi-même, de payer pour être soi-même, c'est bizarre. Ben, en fait, c'est parce que en même temps, t'es pas selon la norme. Donc, tu vois, avec des idées qui sont autres que ce qu'on propose à la société. Il y a un prêt payé pour ça aussi. Ouais, tu pourrais dire que tu pourrais faire ton Michel Drucker, puis les dames pourraient te dire « Oh, bravo pour votre grand succès! » Mais c'est pas ça que tu veux, toi, là. Non, toi, t'es le vilain garçon. Ah non, non, puis surtout, le succès, moi, tu sais, il y a... On vit quand même dans un monde de marchands. Oui. Donc, le calibrage est fait par rapport à la renommée, par rapport à la célébrité, par rapport à ce que ça marche, etc., etc. Ce qui est bizarre, c'est que... bon, alors, il y a deux exemples qui sont assez paradoxaux. C'est dans la peinture, tu as Picasso d'un côté qui a très, très bien marché à rapidement, qui s'est fait une fortune. Puis, tu as un autre, Van Gogh, qui, lui, a vendu un ou deux tableaux lors de son vivant. Et ce sont les deux peintres les plus chers au monde. Et ça montre bien qu'à un moment donné, le marchand récupère tout. Ah oui. Et l'artiste a tout perdu. Parce que là, aujourd'hui, il peut Pessoa ouais. n'a jamais été édité de son vivant, alors qu'il est considéré comme le plus grand écrivain portugais. Enfin, bref, c'est quand même... être un artiste, c'est vivre sa vie librement. Ça fait penser à la chanson de Léo Ferré. La vie d'artiste, c'est ça, c'est en plein ça. Oui. Ferré, c'est un de mes préférés, puisque lui se foutait bien de ce que les gens pouvaient penser. Oui, mais lui, il avait... il avait l'argent. Mais tant mieux, hein, parce qu'en plus, lui aussi, c'est un artiste. Donc, mais jamais n'ont pu fonctionner selon l'argent. Oui, il y en avait, Mais comme il a dit, parce que je me rappelle une interview, où il rétorquait à quelqu'un, personne, moi j'ai fait ce que j'ai aimé, et personne ne m'a dit que ça allait marcher. Okay. Et voilà, et là, alors c'est vrai que lui il était parti d'un milieu aisé, mais ce qui n'empêche que, c'est sûr que, ça pouvait ne pas marcher et il l'aurait fait de toute manière. Donc, mais quoi qu'il n'y avait pas tant d'argent que ça, parce que dans sa chanson, La vie d'artiste, il raconte le fait après il a galéré. Oui, c'est ça. Oui, mais enfin, il était confortable, il a décidé de décrocher de son côté ouaté pour, de Monaco. Pour prendre le porc-épic et s'y piquer régulièrement avec ses chansons. Merde, t'as pas de clope, toi? Non. Non. Non, tant pis. Non. OK. Et donc, puis même la chanson qui renie le plus avec le temps, parce qu'il dit, moi j'ai écrit ça sur le bord de la table en attendant ma copine qui partait faire son marché, donc ses courses. Chez nous, on dit un marché, le marché, mais ici, on dit les courses. Donc, c'est pas grave, je peux te dire. Mais je comprends. c'est bien. C'est ça, moi, ce qui me plaît un peu dans ton écriture et dans ta façon de réaliser, c'est le côté écorché vif. C'est qu'on rentre dedans, on rentre dans le sujet, on passe pas par des chemins hollywoodiens. On dit les choses qu'il faut dire, puis on arrête au moment où on n'a plus rien à dire. Et c'est à vous de prendre ça en pleine face et faites-en ce que vous en voulez. Ben, tu vois, même techniquement, là aujourd'hui, le public ne se rend pas compte qu'il est manipulé. C'est-à-dire que, d'abord, les films racontent pratiquement tout le temps la même chose. Et techniquement, par exemple, c'est comme le MP. Le MP, chez les jeunes, chez tout le monde, c'est soi-disant une avancée technique. Non, le MP, c'est une dévalorisation du son. Et le cinéma... voilà, exactement. Et au cinéma, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la donne est Hollywood. Hollywood fait de manière sonore. Je te donne un exemple sonore. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, on met la musique... les dialogues et rien d'autre. Moi, ça m'intéresse entre le dialogue et la musique, qui est des respirations, qui est une atmosphère. Moi, je mets le doigt là-dedans. Ouais. Et donc, des fois, ça pue. Des fois, ça sent bon. Des fois, ça se pourlécher les babines. Des fois, ça fait peur. Ouais, des fois, on se fait mordre, etc. Mais moi je vais dans l'antre des choses, quoi. Dans le côté un peu plus sombre. Voilà. Parce que jamais. Ouais, mais en même temps, regarde. Ouais, mais regarde, tu vois que. Sincèrement, c'est un joli film. Enfin, vraiment, vraiment. Hein, je pensais que c'était juste un joli film sur l'amour,